Maman Zondo, c'est la gentille, Maman Zondo, moi c'est l'anga. yo mina molema oyo suka imoke ama kambo mama. Oh, mama. Gigi, est-ce que tu entends ça? C'est toujours Petit Poisson depuis Paris. C'est la bonne musique. Boka Maringo nana papa gana lelio Maringo kamo sika Zonga toka mwana kwa santima Kabaka motema bana moko kanisa shi na mabungu play bolingo na toni motema susi na motema mama bolingo na papa gana leyo bari moka musika soma toka bola bosa ntima bolingo na papa gana leyo bari moka musika soma toka bola bosa ntima Kakande lote